Jamal, donc c'est pour juste t'expliquer parce qu'en fait 10 minutes chaque jour après la salat, on lit quelques paroles. C'est le livre, c'est Ta'zim al-Salat, Cheikh Abdelrazzaq al-Badr. Naam, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on lit aujourd'hui encore de la parole de Cheikh Abdelrazzaq al-Badr dans son livre Ta'zim al-Salat. On est dans le chapitre qui s'intitule Makanat al-Salat. Et maintenant, le Cheikh, il va mentionner des preuves au sujet de celui qui laisse la salat par paresse, yani, et les arguments que les ulama qui disent de la mécréance de celui qui laisse la salat par paresse, yani, eux, ils sont basés sur certains versets dans le Coran et certains hadiths. Donc, il va citer quelques-unes de ces preuves. Il dit premièrement, يقول تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أخبر تعالى أن تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. Donc une preuve qu'il a mentionné, c'est dans sourate Al-Muddathir, les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est les versets 38 à 47, il dit toute âme est rahina, c'est-à-dire elle est comme la toute âme, elle est l'otage de ce qu'elle a acquis, excepté les gens de la droite. Dans des jardins, ils se demandent entre eux, les uns les autres, au sujet des criminels. Ou qu'est-ce qui vous a ramené à être dans l'enfer? Qu'est-ce qui les a ramenés à être dans l'enfer? Ils ont répondu, nous n'étions pas avec ceux qui font la salat. Et nous ne nourrissions pas les pauvres. Et nous discutions avec ceux qui disputent au sujet de la foi, de la religion. Jusqu'à ce que, on a traité de mensonge le jour de la résurrection, jusqu'à ce que la mort nous vienne. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de celui qui abandonne la salat, qu'il fait partie des criminels qui seront amenés à la fournaise, Saqqar, qui est un des noms de l'enfer. يقول تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Donc un autre verset, c'est le verset 59 dans sourate Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de ceux qui sont venus après les prophètes qui établissent la salat, il y a des gens qui les ont suivis et qui ont perdu la salat, c'est-à-dire ils n'ont pas établi la salat comme il faut et ils ont suivi les passions et ils vont être jetés dans un endroit qui s'appelle Rayyan. Et le cheikh il dit وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن Rayyan نهر في جهنم خبيث الطعم وبعيد القعر. Donc il dit que Abdullah ibn Mas'ud, il a mentionné que Rayyan, c'est une rivière dans l'enfer. Elle a un mauvais goût. Ba'idul Qa'ar, je ne sais pas ce que ça veut dire. Allahu a'lam. Al-Qa'ar. Après, il dit Faya 'idama musibata man laqiyahu wa ya shiddata hasrati man dakhalahu. Donc, c'est pour dire quel grand malheur pour celui qui va le rencontrer, qui va rentrer dans cet endroit-là, et quelle difficulté et quel remords pour celui qui y rentre dans cet endroit, dans l'enfer. Après, il dit ويقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فعلق أخوتهم في الدين بفعل الصلاة فدل ذلك على أنهم إن لم يفعلوها فليسوا بإخوان لهم. Donc il mentionne un autre verset qui est le verset 11 dans sourate Tawbah. Et ce verset dit, et s'ils se repentent, c'est-à-dire les idolâtres, s'ils se repentent en acceptant l'islam, et qu'ils établissent la salat, et qu'ils donnent la zakat, ils seront vos frères en religion. Ils seront vos frères en religion et reliés, la fraternité dans la religion est reliée au fait de faire la salat. Hein? Donc il dit, ça c'est une preuve que s'ils ne la font pas, ils ne seront pas des frères en religion pour vous. Ça c'est un autre argument qu'ils ont ramené. Après il dit, يقول تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Il dit dans sourate Al-Sajda que c'est seulement les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'on leur mentionne, on leur rappelle ces versets, ceux qui croient en ces versets-là sont uniquement ceux que lorsqu'on leur rappelle ces versets-là, ils tombent prosternés et glorifient les louanges de leur Seigneur et ils ne s'enflent pas d'orgueil. Il cite également un autre verset ensuite. Il dit, يقول تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. C'est-à-dire un verset dans Surat Al-Mursalat dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là à ceux qui traitent de mensonges. Et il dit, وَذَكَرَ تَبَرَكَ وَتَعَالَى بَعْدَ قَوْلِهِ كُلُوا وَشْرَبُوا قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. أي نعم. فدل ذلك على أن تارك الصلاة مجرم يستحق العقوبة العظيمة عندما يلقى يلقى الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il dit ce verset là qu'on a lu, il vient après la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit mangez et réjouissez-vous un petit peu, hein, vous êtes certes des criminels. Donc ça c'est la preuve que la personne qui abandonne la salat c'est un criminel qui mérite le grand châtiment d'Allah lorsqu'il va rencontrer. Après il dit, wa rawa muslimun fi sahihihi an Jabir radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna ar-rajul wa bayna ash-shirk wal-kufr tarku as-salah. Wa rawa al-imam Ahmad wa ahli as-sunan bi isnad sahih an Abdullah ibn Buraydah an abihi qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Donc il mentionne deux hadiths. Le premier hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Jabir radiyallahu anhuma. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'homme, entre le shirk et le kufr, il y a l'abandon de la salat. Et l'autre hadith est rapporté par Ahmad et les rapporteurs des Sunan, avec une chaîne de transmission qui est authentique, selon Abdullah ibn Buraydah, selon son père, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, l'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Alors celui qui l'abandonne, il a rejeté la foi, il a mécru. Hein? Donc ça fait partie des preuves qu'ils ont mentionnées, puis il va mentionner quelques-uns encore, mais c'est juste pour mentionner aussi en même temps, en passant, que ceux qui, parmi les ulama, ne disent pas que celui qui abandonne la salat par paresse qu'il est kafir, ils croient eux aussi en ces versets-là, et ils acceptent eux aussi ces versets-là. La différence, c'est que eux, ils les appliquent ces versets-là pour ceux qui ont nié l'obligation de la salat, hein, ou ils les appliquent sur la personne qui, ils vont dire par exemple, c'est un kufr, mais c'est un kufr mineur que la personne a fait tant qu'elle reconnaît son obligation. D'accord? Donc c'est ça la différence qui existe entre les ulama d'Ahlus Sunnah. Et le jumhur des ulama, ils considèrent que celui qui abandonne la salat, il n'est pas kafir. Il est fasiq, hein, parce qu'il a abandonné une des plus grandes obligations de la religion. Mais d'autres ulama considèrent que oui, c'est kafir, hein. Il n'y a pas de raison entre ces deux positions là parmi les positions des ulama d'Ahl Sunnah d'arriver à dire, par exemple, ceux qui disent pas qu'il est kafir, c'est des murji'a, ou de dire ceux qui disent que c'est des kuffar, c'est des khawarij. Hein, parce qu'il y a des gens comme ça, ils accusent les autres. Alors que les deux positions sont des positions qui sont valables selon Ahl-Sunnah al-Jama'a, dans le sens que chacun il va prendre la position selon qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a convaincu par rapport aux preuves. D'accord? Bon, on va continuer la suite de ces preuves-là, Inch'Allah, au prochain demain, Inch'Allah, lorsqu'on va, après la prière, on va lire la suite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.